L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Caprice de lecture où aujourd'hui je vous emmène à Fontenoy-la-Joûte dans le fameux village du livre mondialement connu en compagnie de Bruno Klotz. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous recevoir à l'antenne pour évoquer ensemble donc l'événement phare de cet été qui va se dérouler les 24 et 25 juin qui s'appelle Enfantina. Alors Bruno, comme le nom l'indique, cette manifestation, Enfantina est une manifestation littéraire jeunesse principalement, mais pas que. Alors quel a été le choix du thème pour cette année ? Nous avons sur l'ensemble de la saison différentes manifestations à thème. Oui. Et les 24 et 25 juin prochains, comme vous l'avez précisé, aura lieu la manifestation Enfantina entièrement dédiée à la jeunesse. On va dire toutes les jeunesses, parce qu'on a la jeunesse, on a des petites 3 ans, et puis de la jeunesse où on est plutôt sur du 12-13 ans. Ce que vous êtes en... même un peu plus, Plus. Voilà, mais voilà, d'accord. On reste dans la jeunesse. On reste dans la jeunesse. Alors, justement, on parlait de la thématique principale. Vous êtes partenaire avec Echo Édition, donc une maison d'édition qui a été fondée en 2019, à compte d'éditeurs, qui, dans son ambition première, édite de jeunes auteurs pour les aider à faire connaître leurs œuvres. Ce partenariat, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà existant ou comment ça se passe pour créer ce type de partenariat ? Alors, Echo Édition, effectivement, est l'un de nos 4 éditeurs invités pour la manifestation Enfantina. Oui. Voilà, donc il y aura deux auteurs qui représenteront cette maison d'édition, qui sont Émilie Courtz. D'accord. Et Dominique Pastor. Émilie Cour, je crois, écrit plutôt des choses un peu fantastiques ou science-fiction. Voilà, hein, mais également dédiées à la jeunesse. Ok. Oui. Alors justement, on a évoqué les auteurs, on a évoqué le partenariat. Quels seront les grands temps forts de ces deux journées ? Alors, c'est une manifestation sur 2 jours qui commence à 10h jusqu'à 18h. D'accord. Alors, je précise d'emblée que l'entrée est gratuite, ainsi que l'entrée à toutes les activités est gratuite. En temps fort, vous aurez le samedi après-midi, vous aurez donc 5 chapiteaux qui seront installés dans le village, avec, dans chacun d'entre eux, et selon des horaires qui se suivent, il y aura des ateliers lecture réalisés par différents auteurs, donc Yvonne Deletang pour les 3 à 8 ans avec marionnettes et costumes. Vous aurez Magali Dalle qui fera une création de conte interactif. Ah super, c'est bien ça. Voilà, ah, vous aurez d'autres ateliers lecture par l'enseignante Carole Ferry-Vissambert. D'accord. Vous aurez une participation également de la médiathèque de Baccarat qui vient, dans le cadre d'un partenariat, également lire des livres pour les petits de 3 à 6 ans. Donc il y aura des heures du conte dédiées aux enfants. Voilà, ça se passe donc de 14h à 17h. D'accord. Vous aurez 4 ateliers de lecture à la suite. D'accord. Et vous aurez, pour ouvrir le bal dès 13h, vous aurez un quiz culturel spécial jeunesse avec des questions posées sur la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, les mangas, les grands classiques de la bande dessinée, etc. En plus, ça s'adresse aussi aux adultes, c'est bien ce concept de quiz, je trouve, parce que ça s'adresse aux enfants, mais aussi aux grands-enfants que nous sommes devenus. Aux grands-enfants, voilà. Ah, c'est super. Et il y aura, pour chaque bonne réponse, un bon d'achat de 5 euros à gagner. Voilà, ça c'est pour le samedi. Le dimanche, ben, on repart sur les mêmes bases, avec la différence, il y aura toujours des chapiteaux dans le village avec des auteurs et des éditeurs, ça ne change pas. Et certains auteurs seront différents de la veille. Et vous aurez en parallèle à la galerie Mongoti de 14h45 à 17h, vous aurez 2 spectacles à la suite réalisés par la compagnie Le Canton des Étoiles, représenté par Didier Zanon et Florine, avec comme titre Le Bonheur c'est quoi. Voilà, c'est un spectacle musical et costumé pour enfants de 3 à 10 ans, qui sera suivi d'un atelier théâtre permettant la participation des enfants. Il y aura autour de tout cela et en décor de fond un spectacle de rue avec jongleurs et sculpteurs de ballons. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion pour les familles de venir avec leurs enfants, de passer un week-end de détente, découverte et créatif. Voilà. Eh bien écoutez, super. Donc on rappelle que c'est les 24 et 25 juin dans le village de Fontenoy-la-Joûte pour donc la manifestation littérature jeunesse, mais aussi les grands enfants que nous sommes devenus, Enfantina. Bruno, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour cette interview. On vous souhaite un très beau succès